On n'a qu'à revenir à toi seul. Ok? Quand tu vois. C'est ça? Les sages, c'est ça? Tout le monde tourne autour de eux. Oluria Kumaka, c'est leur conseil, leur sagesse. Donc tout le bonheur dans pour ça. Toi. Toutes les grâces pour toi. Quand tu vois ailleurs, c'est pas normal. Mais toi, quand ça te touche, alhamdoulilah, c'est ce qu'il faut. Mais Kabore, sois un peu normal. Sois un peu normal. Ok? Kabore, tu vois pourquoi tu souffres? Tu sais ce qui te fait souffrir? C'est que tu es malheureux quand tu vois le bonheur des autres. Voilà. Et il y a des gens comme ça. Tu vois, non? Voilà, eux, leur malheur, là, c'est de voir les autres heureux. Mais eux seuls n'ont qu'à être heureux. Et puis, quand il sait que tu es heureux, il va toujours trouver une cause à ça. Moi, j'ai un ami, c'est comme ça, lui, là. Hein. C'est-à-dire, quand il dit, non, tel a une voiture, il dit, mon ami, attendons de voir la suite. Quand il tellement appelé une maison, il dit, mon ami, est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Quand il dit, le monsieur, là, s'est marié, il dit, il faut attendre, la femme, elle va partir bientôt. C'est-à-dire, lui, il n'est jamais content positif, du bonheur des autres. Il n'est jamais positif. Non. Mais quand c'est comme ça, tu remarques. Tu souffres. En général, des personnes comme ça n'émergent pas, en général. Mais ils se rongent. Voilà. Ils se rongent. Et c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire, le bonheur, là, pas le fait de porter forcément un bel habit. C'est pas forcément d'avoir des millions, des milliards en banque, c'est d'être libre dans sa tête. Alors que toi, tu es. De se sentir lui, il est sévré dans sa tête. Peau. Est-ce que tu comprends? Parce que tu peux tout avoir entre tes mains, mais si ton cœur vraiment n'est pas tranquille, s'il n'est pas équilibré, s'il est toujours encombré, n'est-ce pas, par ce genre de préoccupations, tu finis désormais par ne plus vivre pour toi-même. Non, mais parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que tu te stresses. Voilà. Tu te stresses et puis à la fin, tu meurs pour rien. Gratuitement. Ouais. Non, tu sais, Kabore. Tu te stresses et puis tu meurs pour rien. On peut plus. Quand quelqu'un écoute, c'est pas que c'est le musulman qui parle. Il n'y a pas un mot qui ressemble à l'islam dedans. Excusez-moi, moi je sais pas. Ah oui. Mais on peut changer, de sujet, on peut parler d'autre chose. Je termine ici là. Oui. Pour te demander, Kabore, ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider là. Walilou. Fais un peu de tête. Wallah, Walilou. Laisse-moi. Aïe, voilà, il y aura un cas. Katia. Ça va m'aider. Ouais, c'est toi seul qui est là. Même si tu as l'argent, en état actuel, même si tu as l'argent, tu seras malheureux dedans. Non. Parce que. Non, mais si. Wali, bon, si ça. Actuellement, là, dans cet monde, la personne qui a l'argent, c'est le plus aisé. Tu sais, Kabore. C'est pas évident, hein. Kabore. Oui. Ça, c'est une véritable erreur, en fait, d'appréciation. Ok? C'est une illusion d'optique pour parler comme tu as dit. Écoute-moi, Kabore. Écoute, tu sais, Kabore, ce qu'il faut que tu retiennes, ok, oui. C'est que Allah a créé pour chacun ce qui va lui revenir. Et le prophète a dit dans un hadith, il dit que nul ne quittera cette terre-là sans que ce que Allah a prévu pour lui vienne à lui, et cela en toute soumission. Est-ce que tu comprends? Non, tu es trop le petit. D'accord. Avec Orange, échangeons sur les faits de société pendant l'émission Au Grain du samedi. Parce que vous avez des habitudes de communication différentes, nous proposons la formule Colibri pour ceux qui communiquent peu et qui souhaitent rester en contact avec leurs proches. Avec Colibri, profitez d'une facturation à la seconde et pour toute consommation mensuelle à partir de 2000 francs, recevez des bonus à partir du premier de chaque mois vers tous les réseaux nationaux et internationaux et d'appels illimités vers vos 5 numéros préférés 7 jours sur 7. Adoptez gratuitement la formule Colibri au dièse 121 dièse. Le choix change avec Orange. La vie change avec Orange. Je termine. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui. Kabore, libère-toi. Regarde comme tu maigris. Et ton problème, c'est quoi? Tu vois, tu n'as pas remarqué que tu es toujours en train d'occuper des autres? Tellement tu t'occupes des autres que tu n'as même pas le temps pour toi-même. Ça, c'est un élément. Quand quelqu'un a un bonheur, mais souhaite-lui des grâces en priant pour lui. Mais Allah aussi te fera des ouvertures, Inch'Allah. Ok, mon père est là, la mec. Il est bien habillé, mais toi, en quoi ça te fait un mal? Ça, c'est un élément. D'autre part, Mokhtar, là, tu n'as pas le droit de les traiter de mécréants. Toi, tu es qui pour traiter quelqu'un de mécréant? Ah, toi, tu es qui, Kabore? Alors, Newa? Oui. C'est moi qui t'écris comme ça? Tu es qui pour traiter quelqu'un de mécréant? Je tiens où la main, je connais ce qu'elle ne connaît pas. Kabore, s'il te plaît, on est fatigué de ça. Ah, t'es où là-bas? On est fatigué de ça. Kabore, oui. Tu n'as rien appris. Peut-être que tu as appris d'Aradis, mais tu n'as rien compris de tout ce que tu as appris. Kabore, tu ne connais rien. Alors, tu ne connais rien, Kabore. Et puis, non, tu nous laisses respirer avec ça. Faut pas t'énerver. Non, je ne suis pas énervé. Tu vois. Mais c'est en fonction de ton temps. Il me dit, Kabore, Jonah. Calme-toi, on va te suivre. Kabore, je ne suis pas énervé. J'essaie de lever le ton. Tu n'as pas l'argument, c'est ça. Alako, Rabbana. Atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Coran Kuma. Oui. Ayatul Coran. C'est pas moi qui écris le Coran. Oui. Rabban Antigi Allah. Le mot. Pour le protéger de tête, Allah. Allah qui existe et subsiste par lui-même. Allah me kumbe kasol ben yere kunte. Ou Allah Toro. Allah me ka a Toro al Alf. Les lettres qui sont à l'état ciel, on ne peut pas les coller avec une autre lettre. Le Al-Alif, le A de Allah. Hu. Hu mimba la bani. Al-Hu. Al-Hu Kabir. Le Ashbarba de la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala. Mi Yahua. Allez le ko. Atina. Ko anye dalike. On n'a qu'à demander le bienfait de cet monde. Bienfait. C'est que tu veux dire. C'est le verbiage. Oui, c'est le verset de Coran. C'est pas un verbiage. Ni malo, ni malo. Rabbana atina fi dunya. Hassana, le Hassana là, c'est à Monsieur Guéma. Toi, tu vois tout en femme. Bon, voilà, tu vois. On peut pas. Ouais, bah, c'est bon. Mais non, mais non, non, parce que. Tu vois, à quelle confoutesse. Vous connaissez rien. Tu as, parlé, vous, oui? Tu as parlé pour ne rien dire. C'est ce qu'on appelle le verbiage. On n'a pas vu où tu vas en venir. On n'a pas. Je sais pas quoi. Tu sais, en fait, le tout non plus n'est pas de faire du bruit, hein. Ok? Voilà, il faut le comprendre. Et puis donc, Kabore, je termine. Le prophète dit ça à Salam. Quand un musulman traite un autre musulman de mécréant, en réalité, c'est lui-même qui est mécréant. Ça, il faut pouvoir le comprendre. Tu n'as pas le droit de traiter quelqu'un de mécréant. Pourquoi? Donc, alors qu'il prie comme toi, il atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Mais de quel droit, toi, tu es qui? Et puis, il peut comme moi. Il prie, mais c'est, oui, il peut pas prier comme toi. Il peut comme moi. Et, parce que toi-même, tu pries pas correctement aussi. Moi, ça m'a caché ce truc-là. Mm-hmm. Tu sais, aujourd'hui, j'ai eu un choc quand je sortais de la mosquée. Uh-huh. J'ai eu mon voisin. Mon voisin. Parce que tu ne peux pas quitter un mosquée et puis gagner un choc. Oui. Quand tu quittes un mosquée, tu gagnes un rahma. Tu gagnes quand même, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surah Al-Duha, fa'amma bini'mat rabbika fahadis. C'est wa'amma. Wa'amma. C'est-à-dire que tu ne connais même pas, c'est wa'o, c'est fa'o, tu ne connais même pas. C'est les petits, c'est les madrasa. On nous bête. Tout le faute dans tout. Et c'est les madrasa. Et toi, c'est quoi? Oui. Et c'est le malade. C'est comme ça, on ne peut pas respirer. Ouais, nous, à l'époque, il y a le fort le temps, tu comprends rien. Ouais, c'est pour toi, là, on comprend. Hein. Ouais, ça, c'est intéressant. Mais tu ne l'as pas laissé terminer. J'ai un voisin. J'ai un voisin. Voisin ou à la maison? Alors, non. C'est-à-dire, si on était dans le Safa, il y avait un gars juste à côté de moi et un autre devant moi. Je te jure, mais celui qui était à côté de moi, là, je ne sais pas, sa dernière rencontre avec l'audace de camp. Celui qui était devant moi aussi, Massama. Mais je te dis, mais Massama, il avait une de ces. Excusez-moi l'expression, mais il avait une de ces odeurs. Il ne sait pas où il est quitté, Massama. Mais j'ai souffert pendant les 4 à 4 là. Et non content de ça encore, celui qui est devant moi encore là. C'est dit, quand je vais au sujoud. Donc, il y avait tellement de personnes dans la mosquée que je mettais ma tête entre les deux pieds. L'odeur de ses chaussettes, je suis tombé, Massama. Mais c'est dit, je me suis dit, attends, comment on peut venir à la prière dans un état de saleté comme ça? C'est dit, non. C'est dit, on peut comprendre même que. Mais il est sale. Il était sale. Est-ce que islamiquement, on peut pas se déplacer? Parce qu'à un moment donné, mais tu ne respires plus. Le gars, je ne sais pas d'où il est quitté, mais il était dégueulasse. Habillé sale. Langana est sale. Chaussure est sale. Et malheureusement, je me suis retrouvé entre deux personnes comme ça. J'ai dit, allez, est-ce qu'il y a Motkari? Afalam takunu takilun surat al-yasin. Ton tête là, est-ce que ça fonctionne bien? Alako atakil tawa. C'est la maya, c'est pas ce que j'ai vu. C'est pas ça. Donc Dieu dit de venir prier sale. Non, calme-toi. Il y a la boyette. Calme-toi. Il connaît ta la makakana. Mais tu connais rien. Tu fous les lots. C'est quel rapport? Non, il y a un rapport. Parce que c'est pas les gens qui doivent aller à la Mecque qui vont à la Mecque maintenant. C'est ça le problème. Ça, c'est l'odeur que tu as, cette odeur de son pied, de son chaussette là. Il y a normal, ouais. C'est l'odeur naturelle. Donc, si je viens bien voir, après, fait que si la maïe est là, c'est-à-dire que vous voulez transformer l'islam dans le moderne maintenant, Katou Babouya, Douala, et puis maintenant, on n'a qu'à parfumer même les pieds pour l'entrée. Non. C'est naturel de l'islam, là, c'est où? Mais Kabore, ah non, c'est faux. Mais tes chaussettes, tes chaussettes sont sales. Mais il faut les enlever pour les déposer dehors. Ça. Mais Kabore. Oui. Kabore. Oui. Vraiment, moi, tu m'étonnes. Hein. Tu m'étonnes. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la pureté, c'est la moitié de la foi. Un, de deux, Kabore. Toi, tu vas prier en groupe, oui, avec les gens. Mais quand tu les déranges, quand tu les fatigues, quand tu les étouffes, mais c'est autant de. T'as dit, tout le temps que tu les mets dans cette situation-là, mais c'est des péchés que tu récoltes, mon ami. Alors, dis. Et puis, Kabore. Oui. Non, attends. Si tu vois qu'il est déconseillé de manger l'ail. Mm-hmm. Mais c'est pas que ça dérange. Bien sûr. Avant d'aller à la mosquée, la consommation de l'ail n'est pas interdite, je veux dire. Mm. Ok. Mais quand on te dit, par exemple, que si tu dois aller prier en groupe Il faut éviter ça. C'est pourquoi on sait que l'odeur de l'ail est très forte. Et naturellement, ça dérange. Oui. OK? Mais de la même façon, mais fais attention aussi à tes odeurs. Ouais. OK? Et puis, je te dis, Kabouri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque se parfume avant d'entrer à la prière bonifie les mérites de sa prière. Mais c'est pourquoi. Il n'a pas parlé du contraire. Il n'a pas parlé du contraire. Quiconque c'est vient à la prière avec des odeurs aussi, bon, il n'a pas parlé ça. Mais non, mais ça, c'est des péchés. Ah, attends, ça, c'est des péchés. Faut pas déconner. Et puis, tu vois, en fait, cette affaire de prière avec les chaussettes-là. Mais il y a des conditions, hein, papa. Il y a des conditions. Mm-hmm. Il ne faut pas que ce soit troué. Oui. Il ne faut pas que tes chaussettes soient trouées. Mais oui. Ah, attends. Mais il ne faut pas que ce soit sale. Bien sûr. Mais surtout ça. Ouais. Mais moi, t'as quelquefois même. Le gars a quitté la mosquée. Mm-hmm. Tu as la malchance de venir mettre le soudou où il a posé le pied. Oui. Je dis, tu t'évanouis en même temps. Franchement. Tu t'évanouis en même temps. Non, mais attends, le musulman doit apprendre à faire attention à lui-même et à tenir contre des autres. C'est important. La salat a une dimension sociale. Mm-hmm. Le fait qu'on se retrouve ensemble est un facteur, n'est-ce pas, de rapprochement des membres de la communauté. Bien sûr. OK? Mais moi, tu viens m'embrouiller avec ces odeurs à la mosquée. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que je peux retenir de toi? Alors que cette prière-là est censée nous mettre ensemble. Franchement. OK? Donc, c'est un élément à prendre en compte. Mm-hmm. Tu vas aller à la mosquée, il y a énormément de mérites, mais en même temps aussi qu'on peut en tirer énormément de péchés. Mm-hmm. Hein? Je t'ai dit, ce qui s'est passé vendredi dernier. Mmh. Je viens à la mosquée en courant mmh. hein, parce que j'ai pris un petit retard à l'après les Djouma. Donc je courais. Donc je mets mon tapis. C'est-à-dire, en même temps que je mets mon tapis, c'est-à-dire, à côté de moi, il y a un mécanicien. C'est-à-dire, son habit est taché d'huile. Donc finalement, je mets mon tapis. Le temps qu'il vient de se coller à moi, je lui dis, mon ami, pardon, moi je ne peux pas. J'ai tiré mon tapis et puis je me suis déplacé. Il me regardait comme ça. J'ai dit, mais attends, je ne peux pas te faire plaisir. Tu es venu avec. C'est lui. Il sort, comme s'il venait de sortir en bas d'une voiture. Il vient avec tout son arsenal. C'est mon tapis à moi. Moi, j'ai mis mon tapis. Il est venu s'arrêter le jour. Je lui ai dit de quitter. Tu vois, tu ne peux même pas partager. Partager quoi? Je suis en blanc. Quelqu'un est venu avec son habit de huile. Lui et puis il faut partager ou anfiku mi marjak na kum mi kablu an yati ahda kumble maun. C'est ça, vous pourrez fatiguer les gens. Non, kulana kumal et Dieu a placé ça dans la sourate ou sourate de munafika. Donc ça veut dire quoi? Moi, mi yel te partage munafiklo. Munemone munafika. Ala kwa idil ke kachor sayamana foye kula rabi et puis après kule kontige ala la ola akher tadi ila ajelin kaliba. Fa asadak wa kula. Oh, tu es fatigué avec tes histoires. Wala nu akra Allah nafsan iza jaa ajaluha. Wallahu kabirun bima ta'malun. Même un second, ala tafaraka. C'est ça, quoi ça? À quoi est-ce que tu as dit là? J'ai laissé mon tapis. Ala, lien est clair. Vous disiez, vous chemisez maintenant avec Dieu, vous ne partagez pas. Maintenant, le jour où les morts se présentent, vous criez un Dieu. Voilà, je ne savais pas quoi à la coque. Pour moi, c'était le bannière d'autre. Donc, donne-moi quelques minutes seulement. Il y a tapis partagé. Il ne va pas te donner. Parce que tu as eu tout le temps que tu as vécu dans la terre. Il m'a son kazak et rebo. Il m'a son cadet. Ça n'a rien à voir. Tout ça, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. J'ai dit, je suis venu à la prière. Le gars, ils sont venus, un groupe de mécaniciens, venus m'entourer. J'ai dit, je ne veux pas partager ma natte. Je ne partage pas ma natte avec vous. Parce que pour venir à la prière, ça respecte des conditions. Tu ne peux pas au garage comme ça, vous venez t'arrêter sur une natte déjà. Et non, content de ça encore. Non, attends. Je me déplace. Parce que moi je ne peux pas supporter. Donc j'ai pris ma natte, me déplacer. Et je continue ma prière. Ah, tu prends les nattes. Tu déplaces. Oui. Pour continuer simplement ton prière. Oui. Parce que le monsieur, il a porté son quoi? J'ai dit, il est sorti fraîchement du garage. J'ai dit, Kabore, il te touche net, là, l'huile te touche. Tu sais, son habit, là, il y a huile. Tu vois, tu es un mécanicien en train de prier. Japonais? Oui, non. Moi, j'ai pris, je me suis déplacé. À quoi de huile, là, du mécanicien, ailleurs, il faut le nom d'une kama. À quoi de son habit sale, tu as déplacé ton natte pour aller plier ailleurs. Mais si on dit, collez-vous, il va me salir. Allah, ma fin, elle est longue. Oui. Tourne tes chers, Maya, là. Tourne tes chers. Il va venir gâter mes ablutions. Aïe, l'huile, là. Qui est celui qui est là? Oui. Est-ce que tu vois? Mugo, allez, barababoula, hein? Y'a un qui est là, c'est vous qui va demander, allez, où le combien de marques en haut? C'est vous le guide, vous voyez? Qu'on a, il a, ni d'où nous pas. Il est un cavalier, le gourou péché. Le péché que Dieu lui-même, pour... il a du mal à pardonner, là, c'est ça. À quel point il y a l'imam, quoi, qui me fera. Le dernier de ton péché. Subhanallah. La vérité. Bon, écoute, moi, je vous ai écouté. Hein. Oui. On va marquer une petite pause. Et puis, il y a un certain nombre de choses qu'on va relever quand même de ce que Mokhtar vient de dire. Avec Orange, échangeons sur les faits de société pendant l'émission Au Crin du samedi. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الدر من ورم وشد من سغاب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدام محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحيم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر من قول لا منه ولا نعام دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم الصلاة والسلام على الرسول المصطفى الصلاة والسلام على النبي الهاشمي. Coolman, en tout cas, merci pour ce très beau son. Hein. Mais, Mokhtar, tu sais, il y a un certain nombre de choses déjà là sur quoi je vais attirer ton attention. Tu vois, tu as dit que tu es venu à la prière en courant. Ah, Mokhtar, effectivement, ça me revient. On me dit, ah, mais ton ami là, lui, il est toujours le dernier à aller après le vendredi. Et c'est toujours quand soit l'imam est en train de terminer les deux rakats là, ou bien il a dit Allahu Akbar, c'est maintenant Mokhtar court pour aller à la mosquée. Mais Mokhtar, on ne court pas pour aller à la mosquée. On ne court pas pour aller à la mosquée. Non. Haram. Je suis en retard, je fais quoi? Mais Mokhtar, tu marches. Alors, c'est-à-dire que, Nile Bekoumana, on dirait, bon, moi, je ne sais pas si lequel livre tu tires ton foie. Alors, le coco, là, non, tu n'as que le Juma. Le Juma, Shura. A quoi? Aya, yuan, la Zine, Amon. Ici, Dieu parle avec les gens qui ont le foie. Amonou, Al-Iman. Moura, Mini, l'Iman, y'a là. Quelqu'un qui n'a pas le doute pour penser que Dieu, il est là, il vit. Est-ce que tu vois? Al-Kambolou, l'Iman. Et dit, qu'on a qu'à si vous entendez le appel de Dieu, quoi arrêtez tout ce que vous faites. A combien de mille qu'elle a eu au table, ni combien de mille qu'elle a à quoi que si vous entendez les appels à la prière, c'est le camp, c'est le où le camp, n'a combien vous le camp courir d'abord, quoi y est fumé qu'elle a eu au table, vous n'avez qu'à arrêter tout ce que vous faites, ni combien de mille qu'elle a, il vous tue. Ni kumbi muso dani mona, ibo tui. Ni kumbi likani ya muso ya, ibo tui. Non, non, s'il te plaît, pardon. Kabore, pardon. Avec tes exemples, pardon. Non, c'est à quelqu'un, voilà, qu'à faire un fassia. Pardon, en gafamou. En gafamou? Oui, pardon. Ok, alors, aidez de laisser tout ça. Et puis maintenant, allez via les mosquées, à couler. Vous n'êtes qu'à couler, à couler. Ayalo, à quoi, izanoudia, l'isalati, miniyao, minijum, ati. Fassa, au, ila, zikre, lao. Alors, comment faire ça? C'est-à-dire que vous n'êtes qu'à aller bouillir. Quand vous avez dit que vous n'êtes pas là, quand vous avez dit que vous n'êtes pas là, quand vous avez dit que vous n'êtes pas là, tu vois, face à Zikri, c'est-à-dire que face à il a Zikri là. Oui. Kabore, tu sais, en fait, le tout n'est pas de citer les versets. Le tout non plus n'est pas de citer les hadiths. Je le dis tous les jours ici, encore faut-il les comprendre. Quand Allah dit « face à où il a zikri là ». Mais quand Allah dit « d'accourir au souvenir, au rappel, à l'invocation d'Allah », c'est vrai, il s'agit d'un empressement, mais il ne s'agit pas de courir comme il s'agit de se presser, d'aller tôt. Il dit quoi ?« Ya ayyuhallazina amanu, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سلق العظم. Oh, vous qui croyez, quand on appelle à la salat, à la prière du vendredi, abandonnez tout négoce et accourez. En fait, mais c'est ce qu'il a dit là. Non, on n'a pas dit courez. Accourez là, ça dit c'est donner la priorité. Ça dit abandonner tout ce que tu fais. Empressez-vous quoi. Courir, c'est pas courir. Non, ça dit c'est s'empresser. Voilà. Ça dit il y a une confusion, mais il ne s'agit pas vraiment de courir. Ça ne veut pas dire de rester à la maison et puis au dernier moment là de courir pour venir. Non, déjà... Il y a un premier appel qui se fait avant que l'imam n'arrive sur le mimbar. Mm-hmm. Mais il faut déjà retenir que le vendredi, là. C'est-à-dire que le temps du vendredi, ce n'est pas comme le temps de la prière de Zour. OK ? Voilà. Pratiquement même après la prière de Fajr, déjà, on commence à entrer dans les premiers moments. On ne travaille plus. Non, je n'ai pas dit qu'on travaille. Tu dis après la prière de Fajr. Non, mais Mokta, il faut m'écouter. Oui. Je suis en train de te situer le temps de la prière du vendredi, s'il te plaît. Je te situe le temps de la prière du vendredi. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a un temps où le sermon va commencer. Mmh. C'est quand le muezzin fait l'appel pour dire « Ah, ça indique que bientôt, ce sera le moment pour le muezzin. » En général, les mosquées où le sermon commence à 12h30, à 12h00 déjà, le muezzin fait le premier appel. OK ? Et comme les heures varient selon les mosquées, il y a des mosquées où, par exemple, c'est à 13h que l'imam monte sur le mimbar. OK, ça va se faire soit à 12h45 ou bien à 12h30, selon. Mais quand vous entendez cet appel du muezzin, vous indiquez le temps face à où il a zikrullah. Face à où Siketala, il peut boulot d'une fois d'accord. Kabore. Face à où il a tout ici, les pantalons. Kabore. Oui. Face à où là, ça veut dire quoi de se rendre tôt? Ça dit ça là, quand on te dit à courir là, ça doit s'inscrire au titre de toutes les priorités. Tout ce que tu fais, tous tes intérêts là, après lesquels tu cours là, tu les abandonnes et tu cours au rappel d'Allah. Parce que l'appel du muezzin, c'est comme si on te donnait le signal pour te dire que Allah est là et t'attend au rendez-vous. Mm-hmm. Ok ? Il ne faut pas être en retard. Mais cela ne veut nullement dire de courir. Mokhtar, il est interdit, c'est haram de courir pour aller à la mosquée. Ah bon ? Quel que soit ton degré de retard. Donc, je donne un exemple. Hein. Oui. C'est-à-dire, c'est Djouma, j'entends la lecture de l'appel du Coran. Non, non, la lecture du Coran, elle a commencé la première raquette. La première raquette, ok. D'accord. Et puis maintenant, je sens que ça va finir. Je prends mon temps, je marche doucement. Je prends mon temps, je marche plein, j'arrive. En même temps que je ne dis pas de traîner les pas, oui. Mais en même temps aussi, tu ne cours pas. Tu marches normalement. Et ce que tu auras eu, ce sera ta part. Mais ce qu'il faut comprendre, Mokhtar. Il y a quoi en courant? Qu'est-ce qui dérange en courant? Mais ce qu'il faut retenir, Mokhtar, dans le principe, a priori, là, tu ne vas pas arriver dans ta prière essoufflé, à peine en train de... à peine capable de respirer. Mais tu sais, Mokhtar, la salat, c'est un enseignement qui nous invite à la ponctualité. Ça veut dire quoi? Parce que quand Allah dit par exemple, Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, que la salat est une prescription faite aux musulmans à des heures déterminées. Mm-hmm. Chaque prière obligatoire a son temps. Et le temps de la prière, c'est un intervalle. Mais à la mosquée, il y a des temps conventionnels. On s'entend par exemple sur 13h00, 13h05, 13h30, etc. etc. Ok? Mais cette prière de groupe-là, elle a plus de valeur que ce que tu vas faire seul ou que tu vas faire à la maison, même si tu vas la faire en groupe, mais aller prier à la mosquée, mais tu n'apprends pas à avoir plus de valeur que ça. Est-ce que tu comprends? Raison de plus de courir. Mais non, justement, raison de plus, c'est-à-dire cet enseignement-là, tu fais comprendre que si tu tiens vraiment à la prière, tu quittes ta maison à temps et tu te donnes le temps aussi d'y arriver, mais pas en t'essoufflant. C'est un principe, Mokhtar. Et quand on te dit que c'est un péché que de le faire, mais tu en tiens compte. Et puis Mokhtar, il faut corriger ça. Et puis tu n'es pas le seul. Et il y en a qui croient que, même Kabore qui fait ce bruit-là, il est aussi dedans. C'est-à-dire qu'il y en a qui se disent que c'est les deux rakats. Non, le Djouma, c'est aussi et surtout le serment du vendredi. Mais ce que je veux te dire, Mokhtar... C'est que Mokhtar, quand Djouma, quand il a fallu, il a loupé beaucoup de Djouma. Parce que tu m'as donné un peu de cahier où il faut mettre le ministre de la Tierce-Ville. Après, il faut le camion. Après, il faut le camion. Avant fouille, ça veut dire le premier parti qui te parle là. Seulement au Awadjibou, il n'a rien compris. La mosquée sénégalaise là, ouais. C'est la mosquée où nous on est né, où on a grandi. Ouais. Ok, le sermon se fait pas là-bas en wolof, il se fait en arabe. Ok. Mais en fait, ça pose un autre problème encore. Mm-hmm. Parce que quand tu dis qu'il faut aller écouter le sermon, il y a beaucoup de mosquées où on ne comprend pas le sermon. Je suis d'accord avec toi. On ne comprend pas le sermon. Est-ce qu'elle dit que tous ceux qui sont là, les prières sont invalides? Il y a deux dimensions. Je veux dire, dans la question relative au sermon, il y a deux dimensions. C'est-à-dire, le temps du sermon, être à temps à la mosquée, en train d'écouter le sermon, même si tu ne comprends pas, tu as déjà les mérites du fait d'être là. Même si tu ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas. Paradoxe. Même si tu ne comprends pas. Il y a les mérites. Allez-y vite. On dit, allez-y vite pour le sermon. Mais pendant ce temps, le sermon, tu t'en vas là, tu sais que tu ne comprends c'est pas. C'est vrai. C'est un paradoxe. En fait, je veux dire que c'est une remarque pertinente. Mais concernant sa dimension spirituelle, tu ne rates rien des mérites liés à ça. Tu ne gagnes rien non plus. En termes d'écoute. Bon, je veux dire, en termes de saisie... D'écoute, d'enseignement, tu ne gagnes rien. D'attention de discours, peut-être, faut, d'accord. Autant venir arrêter à Bikouri. Non, Mokhtar, je suis désolé. Mais ce que je vais t'ajouter, Mokhtar, le prophète nous enseigne que tous les vendredis, à chaque entrée, se trouve un ange qui tient un registre. Quand tu viens, il note ton nom. Quand tu viens, il note ton nom. Quand tu viens, il note ton nom. Mais dès l'instant où l'imam a pris place dans son mimbar pour commencer son sermon. Il ferme la liste. Il range le registre et il s'installe dans la mosquée pour suivre le sermon de l'imam. Tu sais, en fait, quand on te parle de l'importance du vendredi et de tous ses mérites, c'est comme par exemple, il y a un magnétisme à ce moment donné, pendant cette activité de l'imam, dont toi tu ne bénéficies pas parce que n'étant pas là. Il y a une charge spirituelle. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement voir le discours en tant que discours, mais il faut voir aussi toute la charge spirituelle qu'il y a, n'est-ce pas, dans ce temps-là, pendant que l'imam est en train de faire son sermon. C'est ça qu'il faut comprendre par-delà tout. Et c'est parce qu'il y en a aussi, parce qu'ils ne comprennent pas le sermon, sauf le loisir de causer. Mais ton vendredi est annulé, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi on ne dirait pas à l'imam de faire un sermon qu'on comprend ou trouver quelqu'un qui peut faire un sermon qu'on comprend? Mokhtar, ça c'est un autre pendant. Mais toi, ton retard n'est pas justifié par le fait que tu ne comprends pas le sermon. Tu pries à la mosquée de Williamsville. Oui. L'imam, il parle en djoula. Oui, mais attends, désolé, mais le retard peut s'exprimer par le fait que, moi par exemple, le temps de quitter mon travail, venir chez moi à la maison. Mokhtar, là tu supposes, en disant, le retard peut s'expliquer par le fait que... Mais Mokhtar, toi tu viens tous les vendredis en retard. Comment tu sais? Mais je le sais parce que... comment tu sais? Attends, comment tu sais? Comment tu sais? Comment tu sais? Comment tu sais, toi, que moi je viens tous les vendredis en retard? Mais Mokhtar, on a des amis communs. Et donc, eux, nos amis communs, ils n'ont rien à faire. C'est eux qui te disent, là où moi je viens à la prière. Franchement. C'est un constat. Mais c'est normal, puisqu'ils ne comprennent pas le sermon. Donc, ils vont s'occuper de ce qui se passe. Mais même Kabore, même, en a parlé plusieurs fois. Même tout à l'heure, il en a parlé aussi. Il a dit que les prières de vendredi, tu en as raté plusieurs. Ou bien mais ce que je veux dire, Mokhtar, au-delà de la polémique, là, après la polémique, ce qu'il faut pouvoir retenir, est-ce que tu vois, c'est qu'il y a des choses que tu dois corriger. Tu sais, Mokhtar, l'argent que tu cherches, le beau temps que tu veux t'offrir, etc., etc. Mais ton salut là, que tu as à garantir est plus important que tout ça. Ça, tu dois pouvoir le retenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, on se dit cartésien, on a plein de questions qu'on se pose, on remet en cause tout. Mais la première des choses, c'est que c'est d'abord le dogme. C'est-à-dire, quand Allah et son prophète ont dit, nous ce qu'on dit, nous autres, là, avant de comprendre, sami'ana wa ata'ana, nous avons compris et nous obéissons. Ok? C'est d'abord ça qui doit pouvoir, c'est-à-dire, impulser notre réactivité. T'as dit quoi? Nous avons entendu et nous obéissons. Comme ça. Mais c'est ton Dieu qui a parlé. Mokhtar, tu ne peux pas comprendre tout de la logique divine. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas comprendre tous les contours du fondement des principes divins, Mokhtar. Tu ne peux pas tout comprendre. Il y en a qui te dépassent. Quelles que soient les explications qu'on va te donner. C'est ce qui explique que des gens viennent à la mosquée sans natte et puis viennent bousculer les gens. Ça, c'est un autre problème. Mais Mokhtar, là aussi, tu as mal agi. Pourquoi? Je suis arrêté sur ma natte. Ouais, tu as commencé la prière. Oui. Le gars est venu s'arrêter sur ta natte. Donc, pour ça, tu interromps ta prière. Je l'ai dit de quitter, mais il n'est qu'à quitter. Il n'est qu'à quitter près de moi-même. Bon. Moi, ça m'a passé de ça. Non, mais, d'accord, mais Mokhtar... Tu valides le fait que le gars, il vient comme ça, sale, avec son habit de mécanicien, il est venu se coller à moi? Ça, c'est pas correct non plus. Je suis d'accord. Ah, tu es d'accord, ouais? Oui, je suis d'accord. Ah, Qui est cette belle collègue? Mais oui. À cause des petits ou d'elle. Mais, ni elle ni Kabouli. Et les gens qui vivent le cabinet là, même beau bol carbone. On parle, l'arrête de travail, c'est celui qui te cadre, monsieur le colon, au sabanane, n'importe le chama, imbécile, il y aura fait. Boukaza, appel monsieur le bêta. Tu trouves ça normal? Mais la mosquée, c'est un lieu saint. Tu vois, quand. Mais mec, bon sang. Quand même, hein. Ceux-là, par exemple, n'ont pas de prière. Tu vois. Mais oui, ceux-là, par contre, n'ont pas de prière. Le mécanicien, lui, il n'est pas propre. Mais il a la prière. Et les habits qu'il porte à lui. Non, j'ai dit. Tu sais, Mokhtar, quand on termine, je vais expliquer. Quand je parle, moi, j'ai le délit. Ouais, va. Dalil, ne te commande, je parle pas dans Wajar. On prend le délit, on prend les ayats, les versets, nous, j'appuie sur l'islam. C'est pas les mousses. Mais il faut t'appuyer sur le Dalil que toi-même tu as compris aussi. Hein. A dit quoi? Kosundo Bara, c'est lui qui gêne, qui fait le carême. Attaque ça. Le odeur de son bouche. Quoi, Kadini Misk? Ni d'accasa ton homme. Ça, c'est le goûter de bouche seulement. Qui est plus doux que le. Imagine pour Kaza. Non, imagine pour le goûter de. Non, c'est le. Non, pas ça. Quelle confusion. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Oui, c'est vrai, le hadith, il est là, il est authentique. Un petit discute. Non, mais. Mais oui, mais tu n'en as rien compris. Je suis désolé. Tu n'en as rien compris, petit. Bon, ça. Non. Mais attends, Kabouré. Donc, ça connaît ça. Mais ça connaît ça. Ton boubou que tu portes là, tu changes jamais là. Attends, Yeri. Boubou que tu portes là, tu changes jamais. Ça connaît l'odeur qui est dessus, quoi. T'es le mec. Allez, éclaire le coup. Yeri, ça. On parle pas de carême ici. On dit le gars, il a porté habit. Il y a odeur de. Je sais pas comment ça s'appelle. De graisse dessus. Mais c'est pas normal. Mais Kabouré, le hadith que tu as pris là, tu sais, en fait, qu'Allah nous aide à comprendre. Là, le prophète n'est pas en train de faire l'apologie de la mauvaise senteur de la bouche. Quand il te. Ce qui me fait là, c'est ça. Le prophète n'est pas fait l'apologie. Tu sais, après, sur Robin, non, tu le coincé là. On peut tout voir, il y a un dossier. L'île là, c'est ça. On cherche maintenant à argumenter. L'apologie. Apologie, c'est la maya là. D'accord. Alors, le côté. Alors que le côté, quand tu nous parles de cassa, le hôtel de bouche, le hôtel qui sort d'un bouche. On ne parle pas de quelqu'un, que on n'est pas dans le monde de la madame. C'est un parfum de paradis. Mais Kabouré. C'est un acte là pour cassa, on connaît. Ça, c'est Firdaus. Avec Orange, échangeons sur les faits de société pendant l'émission Au Grain du samedi. Allo, vous m'y va faire qu'il y a le mado, il y a où il y a là la café, ou qu'elle me café, ou qu'elle me café, ou qu'elle me café, ou qu'elle me colibri. Olivier Nioke, il est là la cafo, il veut se cavoler les cas, tu vois, mais qui dia. Il va faire qu'il ne fait pas au colououle. Olivier, quand il est mec à faire un chama au noyaye, il est mis à voler à mancha, il veut faire cavoler les cas. Il dit aïe, que maintenant, au tableau, il faut la calola. Fait un chama au labla, il est fou là. Il est là la cafo, il veut se faire un réseau tôt, amica voler les coquets, gamana coca. Il dit à la mort, il veut se colououle l'ombe. Kasoro ima warbola kaseka niere kuna fasoro no yo colibri ibe 10 121 10 iboke. Le choix change avec Orange, la vie change avec Orange. Tu vois Kabouré, tu es un garçon dégueulasse, ça on te l'a dit plus d'une fois. Mais tu vois, en fait, je reviens, hein, le prophète, en parlant de la, parce qu'effectivement, rester sans manger, ça entre dans le fonctionnement normal et naturel de notre organisme. T'as dit, tu as passé un certain temps sans manger, ça va se ressentir aussi, n'est-ce pas, au niveau de la secteur buccal. Hein. Ok, voilà. Mais c'est pour donner la valeur. C'est le buccal. C'est pour donner la valeur du jeûne. Non, je te dis. L'importance du jeûne. Pour dire que pourquoi le jeûne. Pourquoi Sogo aussi? Non, Massama, il a dit. Pourquoi Sogo aussi? Pourquoi quoi? Sogo aussi. Sogo aussi, c'est quoi? Fartou Baboulé, c'est le français. Pourquoi Sogo aussi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas. Non, Massama, je vais t'expliquer un phénomène même. Je vais t'expliquer un phénomène. C'est-à-dire, par rapport, si tu es à la santé buccale du jeûneur, par exemple, lorsque même tu es en voyage, tu es assis près de quelqu'un, vous ne vous connaissez pas dans la vie, vous faites au moins une heure de temps sans parler, naturellement, les composants de la bouche s'infectent et lorsque tu ouvres la bouche, naturellement, ça dégage. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Moi, je parle du fait que... Non, mais mon cas, je termine mon raisonnement. Ici, là, le prophète n'est pas en train d'encourager les gens à ne pas se brosser. Bien au contraire, le prophète dit que quiconque se cure les dents avant d'entrer en prière, les anges viennent l'embrasser. Waouh. Est-ce que tu comprends un peu? Et quiconque ne se brosse pas les dents. Bon. Donc, pour te dire que l'hygiène buccale, là, l'hygiène c'est buccale, important. Là, l'islam en a fait quelque chose d'une importance sans pareil. Sans pareil. Donc, pour te dire que c'est tellement important que même quand on se cure les dents, en d'autres termes, aujourd'hui, quand tu te brosses les dents avant d'entrer en prière, ta prière a beaucoup plus de mérite que celui qui ne s'est pas brossé les dents. Et l'hygiène vestimentaire. Mais oui, tout ça. Naturellement, écoute Mokhtar, pour valider ta prière, il faut la pureté de l'environnement où tu pries. Il faut la pureté de ton corps et il faut la pureté aussi de tes habits. Ok? Mais quand Mokhtar, lui là, il ne met pas des gens qui font des vidanges là. Mais eux n'ont pas de prière. Et mais qu'en est-il pour les mécaniciens qui sortent du garage le vendredi venant à la prière? Oui, mais là, par contre, il y a une petite nuance. La graisse du moteur, là, qu'on appelle communément huile de moteur. C'est ça qui est saleté, là. Ça n'annule pas l'ablution. C'est sale, d'accord, mais ce n'est pas impur. Oui. OK? Oui, mais il ne remplit pas les conditions que tu as dit. Le lieu, le corps et le vêtement. Non, mais. Il ne remplit non, pas. Non, non, non. Est-ce qu'il ne peut pas trouver habit de rechange, sachant qu'aujourd'hui est vendredi? D'accord, je suis d'accord avec toi. Et même d'ailleurs, là, le prophète même a dit que le vendredi, on doit se vêtir de ses plus beaux habits. Allez. Et mieux se parfumer alors, avant d'aller au jour. Alors. OK? Bon, j'ai posé le problème de courtoisie. Là, tu les as vexés. Je n'ai pas vexé. Si, mais Mokhtar. Massama, je ne peux pas accepter que. Je ne peux pas accepter. Non, non, je ne peux pas accepter que je mette mon tapis, que je quitte à la maison chez moi, venir mettre mon tapis pour prier. Voilà. Lui quitte au garage avec lui, il va venir. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Mokhtar. Est-ce que je vais le prier à lui? Il n'a qu'à venir à son tapis aussi. Le mécanicien qui est venu dans cet état-là, sa prière, elle est valable. S'il n'y a pas d'urine ou d'excréments. OK? Excrément? Dessus. OK? Voilà, c'est ce que je veux te faire ressortir. Mais est-ce que c'est pas mon droit, Massamba? Je venais à mon tapis, bon. Il dit qu'il prépare sur mon tapis. Parce que viens à la prière, il dit. Effectivement que c'est ton droit. Oui. Mais en même temps aussi, il y a la manière, papa. Mais je lui ai dit, mon ami, le tapis là, c'est pour moi, il faut pousser là-bas. Parce que ça, c'est le problème, ça. Parce que mais c'est pas courtois. Mais c'est pas ce qu'on a fait de courtoisie. Et tu sais, l'islam aussi, c'est la courtoisie. Massamba, attends, c'est pas parce que. Attends, je vais pas être courtois. Attends, je vais te permettre aussi de faire des insolences. C'est pas une insolence. Je suis désolé. Je dis, je vais pas être courtois avec quelqu'un qui va venir me créer du tort. Je suis désolé. Lui, en quittant la maison, tu l'as dit tout à l'heure que si les musulmans doivent savoir qu'en allant à la prière de vendredi, on se lave, on s'habille. D'accord, donc, s'il fait fi de ça, mais moi, je vais pas venir endosser, si tu veux, c'est... Bon, attends, il va venir. Attendez, s'il te plaît. Quel problème de reconnaître ton manque de courtoisie, chérie? C'est pas une affaire de courtoiserie, comme tu dis. N'importe quoi, courtoisie. Ça n'existe pas, courtoisie. Il a dit ceci. Non, j'ai dit, quand la prière... Quand on va faire, quand, il est j'ai dit, cours. Quand on va dire, faites la prière... Tu es rentré dans la mosquée. La première action, c'est de militer. Oui, je suis d'accord. Mais tu n'es pas limité. Attends, Massamba. Quand on dit, bon, la prière va commencer. On va dire, aïe, c'est vrai. Lui, son habit, il va venir se coller sur moi. Non, c'est vrai. Ça. Je ne peux pas accepter. Je me déplace. Oui. Tranquille. Oui. Mais Mokhtar, je dis que tu peux le faire plus gentiment. Mais t'as dit, c'est ton droit, d'accord? Gentiment, là, c'est quoi? Non, c'est gentiment là qui a pris mon tapis pour quitter là. C'est ça qui est gentiment là. Mais tu leur as dit, vous ne priez pas sur mon tapis? Mais ils ne pas sur mon tapis. C'est le tapis. Bon, bref alors. Il remarque aussi qu'il y a des gens, jamais, ils ne viennent jamais à la prière avec ce qu'il faut pour prier. On peut comprendre que tu viens à la mosquée, il y a des nattes. Mais tu viens tous les jours quand tu viens, tu sais que tu es en retard, mais tu ne viens jamais à une natte. Tu dois pousser là-bas. Pour tous les jours, quelqu'un qui vient, tu sois sauter les gens. Pourquoi? Moi, je ne sais pas, c'est ça. Ah, mais l'Américain la connaît. Je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas lui laisser quand même une petite partie pour qu'il puisse. Et puis encore, celui-même que j'ai accepté encore, qui est sur mon tapis, bon, lui, franchement, il n'a pas de problème. Hein. Lui a pris à côté de moi. Mais on dit, c'est là, moi, le coup de prière est fini. Moi, il est parti. Lui, là, assis là, il a très fait zikr. Il a fait comment? Ce zikr, il ne finit pas aussi. Alors qu'on a dit salam alaykoum. Moi, j'ai fait quoi? Il n'a pas m'arrêter. Et puis, je vais être patient et endurant. Attends, non seulement, quand on a dit salam alaykoum là, lui, là, assis sur ma natte, hein. Moi-même, je me lève, je suis arrêté là. Lui, il ne va pas dire que le procès. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas, il est là, il est en train de continuer. Il dit, mon frère, pardon, il est là, moi, il m'en vais. Non, je n'ai pas tapé. Je lui ai dit, mon frère, il est là, je m'en vais. Je m'en vais. Parce qu'après, là, à 14 mois, il est au travail. Bon, tu vois, non oui. Tu as vu quelqu'un, non Tu as trouvé quelqu'un d'autre. Non, mais en fait, pour dire aussi qu'il faut avoir un peu de. De savoir vivre aussi, voilà, quoi. Quand même. Parce que, attends, tu es venu dès l'instant où le maman a dit salam alaikum. Tu es sur une date de quelqu'un. Djuma, c'est terminé. Je lui ai dit, par rapport au rituel hein, de le serment et les deux rakats. Mais dès l'instant où vous êtes libéré de ça là, tout ce que toi tu fais là c'est surrogatoire. Mais si le gars n'est pas dans ton tempo, mais libère-le. Il t'a rendu service en te permettant de prier sur son tapis. Mais ne le fatigue pas davantage. En plus. Ok, ça c'est franchement la moindre des choses aussi. Il y a des réflexes qu'on doit pouvoir avoir. Voilà pourquoi je dis que t'as dit la dimension de la sociabilité de la salat. Il faut qu'on apprenne à l'intégrer quoi. Ok, le respect de l'autre, la prise en compte de l'autre hein, autour de nous. Et il faut éviter le thème peut-être un peu fort mais d'importuner souvent. Ok. Ah, il a été bien en me permettant. J'aurais pu prier par terre, mais grâce à son tapis, quand même, alhamdoulilah, j'ai pu ne pas salir mes habits et tout ça. Bon, le gars, l'imam a dit salam alaykoum. Même si lui ne fait pas les baqiat, soit les hat là. C'est quoi ça encore? T'as dit les subhanallah 33 fois, alhamdoulilah 33 fois, là, quoi, 33 fois. Est-ce que ça va être obligatoire même? C'est pas obligatoire, mais c'est très méritoire. Parce que moi, j'ai vu, hein, je peux me tromper, hein, mais moi, j'ai vu à la Mecque, une fois qu'on dit salam alaikum, c'est fini, les gens s'en vont. Hein. Oui, ils ne font pas tous les... Ce n'est pas obligatoire, c'est ce que j'ai dit, mais c'est très méritoire. Le Coran en parle, la Hadith aussi en parle, mais c'est très méritoire. Ok, bon, mais on ne peut pas en vouloir. Celui qui ne le fait pas, il a ses raisons qui lui sont propres. Hein. On ne va pas juger quelqu'un là-dessus. Mais qu'en est-il des gens? C'est quand tu pries, quand la personne doit prier, quand Dieu est passé devant lui, dit non, il ne faut pas passer ici. Ça, c'est quoi? Là, c'est-à-dire que Kodo et Rebi, si la main, on appelle ça un djihad. C'est un djihad. C'est quoi ça? Il y a djihad. Non, c'est-à-dire, le gars priait, moi je voulais passer. Tu vois, et puis il m'a tapé. Il y a quand qui fauche, il y a qui l'a pris. C'est un comme un lac de Kafria. Subhanallah. Moi, mais c'est lui qui m'a fait que tu m'as fait. Pourquoi? C'est parce que c'est lui. Pourquoi même? Parce qu'un prix, on passe devant lui. Pourquoi? Bon, en fait, le prophète. Ça... Parce que moi, j'ai vu à la mec dans la Kaaba, tu pries, on passe devant toi. Mais Mokhtar, comparaison n'est pas raison. Dans quelles conditions? À la Kaaba, même, femme et homme prient côte à côte. Au haram. Femme peut prier devant, l'homme. C'est-à-dire, tu vois, c'est le contexte hein, qui fait ça. Par contre, à Médine, ce n'est pas le cas. Et tu te rends compte combien de millions se retrouvent au niveau du haram? Combien de millions de personnes? Sinon, combien de millions de personnes se trouvent se retrouvent au niveau du haram pour la salat? Il y a le tawaf qui se fait dans un espace ouvert. Tu t'imagines? Vous êtes en train de faire le tawaf, hommes et femmes ensemble, et puis le musulman commence à faire l'iqam. Pendant que vous êtes en train de faire le tawaf, et automatiquement vous arrêtez tout. Quand c'est l'heure de la prière. Et quand c'est l'heure de la prière, naturellement. C'est à l'heure de la prière qu'on fait l'iqam. Vous devez tout arrêter. C'est là l'élément le plus obligatoire. Alors, on va faire quoi? Les femmes vont aller derrière. Et quel temps elles vont prendre pour se retrouver derrière? Avoir la prière de l'imam? Et dans quelles conditions? Et puis, quel côté qui est derrière? Mais en plus... Parce que c'est infini, là. Bon, d'accord. L'aura est infini. Donc, tu ne peux pas prendre la Kaaba pour dire... Et puis, en plus, c'est tout le monde qui se retrouve là. Mais si on dans le hadith, le prophète a dit ceci. Il dit qu'il vaut mieux attendre 40 que de passer devant quelqu'un qui prie. Vaut mieux attendre quoi? 40. Ça veut dire quoi? Dans le hadith, ça dit que 40 là. Maintenant, est-ce 40 minutes? Est-ce... tu sais, 40 minutes, la personne va finir de prier, mais t'as arrêté là-bas? Non. Tu m'écoutes. Est-ce que c'est 40 jours? Est-ce que c'est 40 semaines? Est-ce que c'est 40 mois? Est-ce que c'est 40 ans? Mais pour dire... Je comprends rien. J'ai pas compris. Mais tu comprends jamais rien. Je comprends pas. Le prophète a dit... Tu ne permets pas de me parler comme ça. Hein. Je ne te parle pas de me parler comme ça. Il est dans le cagale. C'est toi qui poses les questions autant de te tirer des ténèbres pour envoyer dans les lumières. Tu n'as nous dans les lumières depuis longtemps. Massama, oui. Tu parles des problèmes. Ce que je veux ressortir ici, c'est un temps. Maintenant, il n'a pas précisé. Et là, les érudits, les commentateurs, justement, dans les commentaires de ce hadith-là, maintenant, est-ce que c'est 40 heures? Est-ce que c'est 40 jours? Informe-toi et puis donne-nous la bonne réponse. Non, mais écoute, parce que je ne sais pas pourquoi. Mokhtar, moi, parce que je mange que là, personne ne m'a encore dit. Mais, quand quelqu'un parle, il faut passer devant lui. Pourquoi? On ne m'a pas encore dit. Oui, mais Mokhtar, on te dit déjà que ce n'est pas bon ni pour celui qui passe devant la prière, devant celui qui prie. Ni, Mokhtar, c'est ce que je te dis. Tu ne trouveras pas forcément la réponse au pourquoi. Mais ce que je dis, renseigne-toi. Peut-être que toi, tu ne sais pas. Peut-être que tu ne sais pas. Mais renseigne-toi et puis la prochaine fois, donne-nous la bonne réponse. En fait, informe-toi et puis bouquine. Voilà, même nous, on ne connaît pas, on veut savoir. Justement, ce n'est pas par faute de quête d'information là-dessus. Mais ce que tu dois retenir de ce hadith, c'est-à-dire que le fait de n'avoir pas précisé déjà indique que quel que soit le temps que cela va te demander, tu as tout intérêt à ne pas passer. C'est ce que tu dois pouvoir comprendre dans ça. Le fait de n'avoir pas précisé. Quel que soit le temps que ça va te coûter. Qu'est-ce que ça fait si tu passes? C'est tout ça qu'on veut savoir. Mais Mokhtar, ça... Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que ça rend la prière de l'autre invalide? Je ne sais pas. Voilà pourquoi j'ai dit, toi qui es plus imprégné que nous, renseigne-toi, bouquine. Et puis donne l'information. Toi, dis qui est imprégné que qui? Que nous? Non, toi. Allez, réponds-nous alors. Réponds. Je ne mets plus mon bouche de vos paroles. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment de ne plus mettre ta bouche. Je vais prendre mon bouche. Parce que ici, j'ai remarqué. Le Cabo, est-ce que tu as une idée du fait que quand les gens disent on passe pas dans la prière là, pourquoi on ne passe pas? Pourquoi? Avec le coach, c'est 40. 40 quoi? c'est Marabou, la vie à nous tuer. C'est un péché que de passer devant quelqu'un qui prie. Oui. Ok. C'est un péché. Oui. D'accord. Voilà. Et en même temps aussi, c'est pour indiquer à celui qui doit prier aussi, qui doit se mettre dans une posture, n'est-ce pas? Qui n'obstrue pas le passage. Bien sûr. Voilà. Qui n'expose pas au passage des gens devant lui. Est-ce que tu comprends? Voilà. Mais donc, il faut faire attention à ça. Comme souvent dans les mosquées, on peut se retrouver dans un cadre qui est tel que... on avait commencé la prière, on a dit « Salam alaikum, chacun a son programme ». Moi, j'ai fait deux rakats sur le rogatoire. Ou bien, je suis venu en retard, je rattrape ce que j'ai raté. Mais ce qui me dérange surtout, c'est le fait que certaines personnes, c'est devant la porte là, qu'eux, ils choisissent... Pour venir prier. Pour venir faire leurs deux rakats. Je me demande souvent, ils ont quel problème? Et puis on dit de ne pas passer devant lui. Et puis on dit maintenant 40. Bon. mais mon cas aussi. 40, bon. Une prière a beau prendre du temps. Ah, c'est pas 40 minutes. Elle n'excède pas 10 minutes quand même. Ah là. Donc tu peux patienter pour ça au moins. Je vais m'arrêter pendant 10 minutes. Le gars a fini de prier. Mais donc passe devant lui. Que Dieu nous aide. Amen, Inch'Allah. Mais on va rentrer. Inch'Allah. Voilà. Vraiment qu'Allah nous aide et nous pardonne, Amin, qui nous protège, Amin, qui nous élève, qui nous aide nos prières et qui nous aide vraiment à pouvoir être réglo par rapport au principe de la prière. Allahumma, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi. Pour vos remarques et suggestions, 48 0